بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ها نحن في هذا الدرس الثالث في الشرح على لامية أو اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Nous sommes donc au troisième cours dans l'explication du poème intitulé Al-Lamiya qui est attribué à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nous sommes arrivés au passage durant lequel l'auteur il dit Hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu. Vous pouvez voir que moi j'ai lu madhhabu, c'est marqué chez vous madhhabun. Lorsque j'ai appris ce poème, et lorsque je l'ai entendu des divers meshir chez qui je l'ai entendu, ils le prononçaient tous comme cela, madhhabu, par rapport au vers qui vient après, wafada ilu. Et donc, hubbu sahabati kullihim li madhhabu, wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu, wa li kullihim qadrun ala wafada ilu, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Et donc, حُبُّ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ لِي مَذْهَبُ. L'amour des compagnons, tous, chacun d'entre eux, le fait de tous les aimer est pour moi une croyance. Un madhhab, ce qui est voulu par là, c'est une croyance. فَشَرَعَ النَّاظِمُ هُنَا فِي ذِكْرِ بَعْدِ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. L'auteur, il commence ici à nous citer certains fondements parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe. وَبَدَأَ بِبَيَانِ عَقِيدَتِهِمْ تُجَاهِ السَّحَابَةِ. Il commence donc en expliquant la croyance des gens de la sunna et du groupe concernant les compagnons. Quelle est la croyance de ce groupe, le groupe sauvé, le groupe de Ahl Sunna wal Jama'a, concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ. Et ce fondement, mes frères, est un fondement très important. فَإِنَّنَا رَأَيْنَا سَابِقًا أَنَّ الْعَقِيدَةَ تُؤْخَذُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِجْمَعِ السَّلَفِ. Nous avons vu précédemment que la aqida, la croyance, nous devons la prendre de Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que de son messager. Et l'unanimité des pieux prédécesseurs. Comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ça, on l'a vu au premier ou deuxième cours, je ne sais plus trop. Vous vous rappelez? Premier ou deuxième cours, mais en tout cas, on l'a vu. La parole de Cheikh al-Islam que, donc, cette croyance, nous devons la prendre du Coran, de la Sunna et l'Ijma. Lorsqu'il a dit la croyance, on ne la prend pas de moi. Il a dit la croyance, on ne la prend pas de moi, ni de celui qui est au-dessus de moi. Mais on l'apprend d'Allah, de son messager, et Ijma al-Salaf, l'unanimité des pieux prédécesseurs. وَالصَّحَابَ هُمُ السَّلَفِ. Et les sahaba, ce sont eux les pieux prédécesseurs. Les compagnons du prophète, ce sont eux qui sont les pieux prédécesseurs. وَهُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا لَنَا هَذَا الدِّينِ. Ce sont eux qui nous ont rapporté cette religion. هُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا لَنَا الْقُرْآنِ. Ce sont eux qui nous ont rapporté le Coran. Celui que nous avons entre nos mains aujourd'hui. وَهُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا لَنَا الْحَدِيثِ. Ce sont eux qui nous ont rapporté les hadiths, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَهَؤُلَهُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا لَنَا هَذَا الدِّينِ. Et donc ces compagnons, ce sont eux qui nous ont rapporté cette religion tout entière. فَتَّعْنُ فِيهِمْ تَعْنُمْ فِي الدِّينِ. Et donc le fait de critiquer les compagnons revient à critiquer cette religion. Kayfa tathiqu bi dinin wa naqalatuhu mat'unun fihim. Comment pouvons-nous avoir confiance? Comment pouvons-nous avoir confiance en une religion dont ses rapporteurs sont des personnes qui sont critiquées? Et c'est là qu'on comprend la gravité du fait de critiquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna ta'na fihim ta'nun fi ad-din. Car le fait de les critiquer revient à critiquer cette religion de façon vile et rusée, sans la critiquer directement, mais critiquer la religion de façon indirecte, de façon malicieuse. Voilà pourquoi nous devons nous méfier de tous ceux qui se mettent, qui commencent à critiquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَحُبُّ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ لِي مَذْهَبُ. Et donc l'amour de tous les compagnons est pour moi une croyance. أَيْ أَنَّنَا نُحِبُّ جَمِيعَ الصَّحَابَ. C'est-à-dire que nous aimons tous les compagnons. Tous. Certains vont commencer à nous dire, oui, mais il y a eu des divergences entre certains. Et. Nous aimons tous les compagnons. Sans exception. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit la yastawi man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu. Ne sont pas égaux ceux qui ont dépensé. Ce qui est voulu ici par dépenser, c'est le fait d'avoir eu la foi, ceux qui se sont convertis à l'islam et qui ont accepté l'islam. Ne sont pas égaux ceux qui ont dépensé avant la conquête. Al-Fath, les savants ont divergé. Est-ce que ce qui est voulu par là, c'est Fath Mecca ou alors Sulh al-Hudaybiyah? La majorité, Al-Jumhur, ils voient que dans le tafsir ici, c'est la conquête de la Mecque. Et donc, ne sont pas égaux ceux qui ont cru, qui ont dépensé et qui ont fait des efforts avant la conquête de la Mecque et ceux qui l'ont fait après. Car ceux-ci ont des degrés bien au-dessus. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et Allah leur a promis à tous al-husna. C'est quoi al-husna? Al-jannah. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a promis à tous ses compagnons, à tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-jannah. Et pourquoi ils ne sont pas égaux? Et donc on voit déjà qu'ils se distinguent les uns des autres. Les compagnons en eux-mêmes ne sont pas égaux, mais ils sont tous agréés par Allah tabaraka wa ta'ala. Ne sont pas égaux ceux qui ont accepté la foi avant la conquête de la Mecque. Pourquoi? Parce que à ce moment, la religion n'avait pas encore apparu de façon forte et claire. Les musulmans, avant la conquête de la Mecque, étaient encore en difficulté. Ils se faisaient insulter et autres par les non-musulmans. Ils subissaient de mauvais traitements par ceux-ci. Mais à partir de la conquête de la Mecque, les gens se sont convertis dans la religion en grand nombre. Et là, c'était beaucoup plus facile. Et donc, ne sont pas égaux ceux qui se sont convertis en période de difficulté et ceux qui se sont convertis dans une autre période. Mais Allah a accordé à tous le paradis. قال العلامة السعدي رحمه الله وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة. Intaha. Al-Alama al-Sa'di, il dit, et ce verset montre les mérites des compagnons, tous, les mérites de tous les compagnons, radiallahu anhum. Car Allah tabaraka wa ta'ala a ici témoigné et attesté de leur foi, et aussi qu'il leur a promis le paradis. Fin de citation. Akhraj al-Bukhari wa Muslim, anil bara. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. البخاري ومسلم cité dans leur recueil selon le Bara ibn Azim que le prophète صلى الله عليه وسلم il dit les Ansar, donc Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi eux El Muhajiroun et les Ansar. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les Ansar ne les aiment que les croyants. Il n'y a que les croyants qui aiment les Ansar. وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ. Et il n'y a que les hypocrites qui les détestent. Allahu Akbar. Il n'y a que les hypocrites qui les détestent. Ensuite, il dit فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ. Alors celui, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, alors celui qui les aime, qui aime donc les Ansar, alors Allah il les aime. Alors Allah il l'aime. Et celui qui les déteste, alors Allah il le déteste. Ibn Rajab il dit ici, pour commenter ce passage, il dit وَكَذَلِكَ حُبُّ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْإِيمَانِ. Il dit Ibn Rajab, Al-Hanbali, il dit de la même façon, le fait d'aimer les Muhajirin, or les Muhajirin sont meilleurs que les Ansar, le fait de les aimer fait partie de la foi aussi. Wa fi sahih muslimin an Ali, qala innahu la ahdu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ilay la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Et dans le recueil de Muslim, selon Ali radhiyallahu anhu, qui dit ceci est la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam faite envers moi, il n'y a que les croyants qui m'aiment et il n'y a que les hypocrites qui me détestent. Or Ali, il fait partie des Muhajirin ou des Ansar? Les Muhajirin. فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَن نُحِبَّ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ. Il nous est donc obligatoire d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla qui dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et donc, ceux qui viennent après eux, ceux qui viennent donc après les compagnons, ils diront, ô Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne place dans nos cœurs aucune rancœur contre eux. Et donc, il était obligatoire d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Waya ikhwa, man minna yastati'a an ya'mala bi'amali ha'oula. Qui d'entre nous peut accomplir les mêmes œuvres que ces gens-là, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui d'entre nous? Tu peux? Qui d'entre nous? Tu fais la hijra, tu aides le prophète. Qui d'entre nous? Personne. Personne. I'alam anna hubbaka li ha'oula yaj'aluka ma'ahum. Sache que le fait que tu les aimes, cela fait que tu seras avec eux, même si tu n'as pas accompli les mêmes œuvres qu'eux. Naam. Même si tu n'as pas accompli les mêmes œuvres qu'eux. Akhraj al-Bukhari wa Musliman Anas. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة. البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil selon Anas ibn Malik qu'un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم demandant متى الساعة, à quand sera la résurrection, à quand sera la résurrection. Le prophète lui dit وماذا أعدت لها, et qu'est-ce que tu as préparé pour la résurrection, qu'est-ce que tu as préparé pour ce moment. Il a répondu, lâchez, rien. J'ai rien préparé pour ce moment. J'ai pas fait beaucoup d'œuvres. Les actes obligatoires, mais j'ai pas fait beaucoup d'œuvres. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Sauf que j'aime Allah et son messager. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant, anta ma'a man ahbabt. Il a dit, tu es avec celui que tu aimes. Tu seras avec celui que tu as aimé. Anas ibn Malik, lorsqu'il a entendu ça, il a dit Anas, Fama farihna. Fama farihna farahan. Kama farihna bi kawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, anta ma man ahbad. Il a dit, nous n'avons pas été heureux. Nous n'avons pas ressenti de joie comme nous l'avons ressenti lorsque le prophète il a dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Et ensuite, Anas il a dit, wa ana uhibbullah wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Omar. Il a dit, Anas et moi, j'aime Allah et j'aime son messager et j'aime Abu Bakr et Omar. فأنتم أيها المسلمون من تحبون كي فوزين علينا يا أيها الإخوة أن نحرص في هذا الباب أن نحب هؤلاء الصحابة وللأسف الشديد أننا في هذه الأزمنة تجد الناس يعرفون الفريق المنتخب لفرنسا أو لغيرها من الدول حفظا عن قلبه وأما هؤلاء الصحابة لا نعرفهم لا نعرفهم et malheureusement nous voyons à notre époque que des gens ils connaissent l'équipe nationale française ou de notre pays, ils connaissent tous les joueurs, mais concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont-ils? Qui sont-ils? Parfois t'entends An Abi Huraira. C'est quelqu'un. Mais c'est qui? Il a fait quoi? An Anes. C'est quelqu'un, ouais. C'est vrai, on entend beaucoup Anes. Mais il a fait quoi? Et à quoi nous devons apprendre qui sont ces gens? Les frères, aujourd'hui, le fait que vous ayez ces masahif dans cette mektaba, ces gens, ils ont une grande cause dans cela. Ils ont une grande cause dans le fait que vous ayez ces masahif dans ces mektabas. Le fait que vous ayez tous les livres avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous pensez que cela est venu à vous comme cela? Non. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour ça. Des gens qui se sont sacrifiés pour ça. Et donc le fait que tu les aimes pour ce qu'ils ont fait pour l'islam. Tu les aimes pour cette vérité. Et cela est une cause. Bi-idhnillah. Qui fera que tu te rapprocheras d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fahris. Alors, fais des efforts dans cela pour aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalafa fi hadha al-asl. Et donc, qui sont ceux qui ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'a dans ce fondement? Khalafahum al-Rawafid. الذين كفروا الصحابة إلا عددا يسيرا منهم. Et donc il y a les Rawafid qui ont contredit et qui se sont opposés à Ahl Sunnah wal Jama'a dans ce fondement. Ils ont taxé de mécréance un grand nombre de compagnons. Du moins, ils ont taxé de mécréance les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf un petit nombre d'entre eux. Certains savants ils disent Saba'a. J'ai vu certains qui disent Sabat Ashar. Ils ont dit qu'ils n'ont pas taxé de mécréance 17 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement. Tous les autres, ils les ont sortis de l'islam. وكذلك خالف في هذا الأصل الخوارج الذين كفروا عليا. Et aussi, se sont opposés à ce fondement les khawarij, ceux qui ont taxé Ali de mécréance. ويكفي في الرد على هؤلاء النصوص التي ذكرت لكم سابقا. Et il nous suffit pour répliquer à ces gens-là les textes que je vous ai cités précédemment, qui montrent largement les mérites des compagnons radiyallahu anhum. إذ كيف لرجل أن يكفر من جعله الله أو من جعل الله حبه من الإيمان. Comment est-ce qu'un individu peut taxer de mécréance un homme dont Allah tabaraka wa ta'ala a placé comme cause de la foi le fait d'aimer cet homme? Comment est-ce qu'on peut taxer cet homme de mécréance Alors que Allah, il nous montre que le fait d'aimer cet homme, cela fait partie de la foi. Subhanallah. Et c'est là que tu comprends l'égarement de ces gens. Et la contradiction et l'opposition claire qu'ils ont avec les textes religieux. Et ensuite, il nous dit « Wa ma waddatul qurba biha atawassalu » Et le fait d'aimer les proches, c'est-à-dire les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les membres de sa famille. Le fait de les aimer, par cela, je prends un moyen de me rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est comme ça, ahlu sunnati wal jama'a, ils vont aimer les proches, les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu man kana min ahli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yajibu alayna hubbuhu bi sharti an yakuna mu'minan. Toute personne qui fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est obligatoire de l'aimer à condition qu'il soit croyant. On a vu Abu Lahab ici dans cette mosquée. On a vu Abu Lahab, donc, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab qui kana ammuhu ou ammahu wa ma'a dhalika lam yanfa'hu dhalika. Et malgré cela, ça ne lui a pas été profitable. Pourquoi? Ma'a kufrihi wa adawatihi lin nabi sallallahu alayhi wa sallam. À cause de sa mécréance et de l'animosité qu'il avait envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même pire que cela, Allah tabaraka wa ta'ala akhbarahu bi annahu min ahli an-nar wa bi annahu yamutu 'ala al-kufri qabla wafatihi. Allah tabaraka wa ta'ala a informé que Abu Lahab, il va faire partie des gens de l'enfer et qu'il va mourir mécréant avant même qu'il meure. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit sayasla naran dhat lahab. Il va brûler dans un feu qui l'entoure de partout. Et ça, c'est le châtiment, donc, du mécréant. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a montré avant qu'il meure que Abu Lahab allait aller dans le feu. Et il s'est passé, comme il l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, Abu Lahab qui est mort en état de mécréance. وكذلك من آل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعتقد ذلك. Il fait partie aussi de la famille du prophète صلى الله عليه وسلم, les épouses du prophète صلى الله عليه وسلم. Qui a rejeté cela, ce fondement, le fait que les femmes du prophète fassent partie de sa famille? Hein? Les chiites, ils ont rejeté cela. Et c'est pour ça que tu les vois qui critiquent beaucoup Aïcha radhiyallahu anha. Parce qu'ils rejettent le fait que celle-ci, elle fait partie de Ahlul Bayt. Et ils vont aussi restreindre Ahlul Bayt chez 5 personnes. Qui sont qui? Ali? Non. جمهور الشيعة يقصرون أهل البيت في 5 أشخاص. سلمان. علي. فاطمة. فاطمة. الحسن. فاطمة. النبي. بس كي peuvent pas leur tirer. النبي. فاطمة. النبي علي فاطمة. الحسن الحسين. ça c'est le جمهور الشيعة. Et ils vont exagérer chez ces gens-là. Et chez leurs descendants. Ils vont exagérer chez eux. Jusqu'à ce qu'ils leur donnent des caractéristiques de divinité. Ils vont dire d'eux que ces gens sont exempts d'erreur. Et cela, c'est de la mécréance. Et de notre côté, on a... Donc d'un côté, on a Shia, ici. Et de l'autre côté, on a quel groupe? Al-Khawarij, de façon plus générale. Al-Nasiba. Al-Nasibah, qui avait parmi eux Al-Khawarij, Al-Mu'tazila et d'autres. Et donc, Al-Nasibah, quelle est leur croyance? Al-Ta'nu fi Al-Bayt. Le fait de critiquer les gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont les critiquer, particulièrement Ali, radiallahu anhu. Et donc, d'un côté, on a un groupe qui vont exagérer, jusqu'à placer les membres de la famille du prophète à un rang de divinité. Et d'autre côté, on a certains qui vont être négligents et qui vont critiquer les membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et au milieu, tu as Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ahlus Sunnati wal Jama'a qui ne vont pas exagérer. Ils vont les aimer et leur donner leurs droits. Mais ils ne vont pas exagérer. Ils ne vont pas non plus être négligents, ils ne vont pas les critiquer les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Udhakkirukumullah fi ahli bayti, fi ahli bayti. Udhakkirukumullah fi ahli bayti. Udhakkirukumullah fi ahli bayti. Je vous rappelle, je vous fais le rappel à Allah concernant ma famille. Il l'a dit trois fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ahlus Sunnah, ce sont les seuls qui œuvrent avec ce fondement. Et comme je vous ai dit, on a les deux groupes qui s'opposent à eux. Et Ahlus Sunnah, subhanallah, lorsqu'ils vont conseiller les Shia et leur mettre en garde contre leur propre danger, les Shia vont les traiter donc d'être négligents. Vous êtes négligents. Pourquoi? Parce que ces gens-là, excusez-moi, les Shia vont les traiter de manquer de respect aux membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu leur dis, il ne faut pas l'adorer, il ne faut pas adorer Ali, il ne faut pas leur faire monter un rang de divinité, etc. Ah, vous n'aimez pas les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Antum la tuhibbounahum. Et de l'autre côté, lorsque Ahlus Sunnah, ils vont conseiller An-Nasiba de ne pas critiquer les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont être traités de négligents. Mais est-ce que toutes ces critiques font du tort aux gens de la sunna? Rien du tout. Aucun tort. Aucun tort. Tant que tu es sur la vérité. Madama annaka ala al-haq, la taltafit ila ma yuqal. Tant que tu es sur la vérité, n'accorde aucune importance à ce qui est dit. Tu entendras des insultes. Comme on entend aujourd'hui, rigoriste, ou je sais pas quoi, les mots qu'ils vont inventer. Sarafika, ou la taltafit. N'accorde aucune importance. Anta ala al-haq, tu es sur la vérité. Ne fais pas attention à ce que les gens disent. Reste ferme sur la vérité, sur la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. N'accorde aucune importance à ce que les gens vont dire de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été traité de sorcier. De sorcier, de poète, autre. Mejnoun, de fou. Et donc ce n'est pas grave, laisse les gens parler. Toi, tu es sur la vérité. Tu es avec ces gens-là, ceux que tu aimes. L'individu est avec ceux qu'il aime. Tu aimes les compagnons? Alhamdulillah. Qu'est-ce que je suis content d'être avec ces gens-là. Les autres, c'est pas grave, ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, alhamdulillah, je suis content d'être avec ces gens-là, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, rappelez-vous, on avait parlé de As-Sirat al-Mustaqim, la voie droite. Alladhina an'ama Allahu alayhim. Ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala les a comblés de ses bienfaits. Minan nabiyin, parmi donc les prophètes, wassiddiqin, les véridiques, washuhada'i wassalihin, les martyrs et les pieux. Subhanallah. Cheikh Ubayd al-Jabiri, il dit, men kana ala al-haq, wa kana ma'a ha'oula, la yaltafit ila ghayrihi, ma yahtaj. Celui qui est sur la vérité et qui est avec ces gens-là, il n'accorde pas d'importance aux autres. Il n'en a pas besoin. Tu es avec les siddiqin, les véridiques, les martyrs, les prophètes. Laisse les gens parler. Alhamdulillah. Et donc voilà un conseil que je voulais vous donner, les frères. par rapport à ce fondement, la croyance aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui et on continue la semaine prochaine inshallah. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.